pas trouvé le nom. Thank you. l'importance du supply, ça va, il n'est pas trop intrusif. Je sais que ça prend de la place. J'aime bien, hein, j'aime bien. Normalement, en fait, je devrais le mettre uniquement avec ça. Et pas de drum, normalement. C'est ce que j'aurais fait. Comme j'ai fait, bah, comme j'ai laissé là tout à l'heure, en fait. Well, well, well, as you say, Clarky. Do you want to instigate the next thing, Chris? Possibly. So that we... Welcome, Matthias, sir. You speak French. How are you? You're Brazilian, but you speak French. Comment ça se fait que tu parles français alors que tu es brésilien? C'est impossible. Impossible. Oh, ok. Interesting, parce que je vois ton truc en brésilien. Yeah. He say he's from Switzerland. Oh, I forgot the name in English. But, you're a liar. I see Brazil. You're Brazilian. Yeah, that's cool. Il faut savoir, Chris. 110, 100, 100, 100.